un oiseau a chanté. Voilà de la musique pour toute la journée. Dis merci à la vie, l'instant nous est donné. Regardons sous les vignes, le soleil se lever. Sur le quai, tu me dis pense à moi, tu dis ne prends pas froid, tu renoues mon écharpe.